Psaume 45. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au cœur de la mer. Ses flots peuvent mugir et s'enfler, les montagnes trembler dans la tempête. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Des peuples mugissent, des règnes s'effondrent. Quand sa voix retentit, la terre se défait. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur, comme il couvre de ruines la terre. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs, brise les lances, incendie les chars. Arrêtez. Sachez que je suis Dieu, je domine les nations, je domine la terre. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob.